You provide spirit. I will open up inside. Oh, you provide a fire. I provide a sacrifice. Oh, you provide your spirit. I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Nous t'adorons parce que toi c'est les dieux. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la louange. Viens remplir ce lieu de ton Saint-Esprit. Oh yes Lord. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Prenez ma somme, toi. Remplis-moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia, est-ce que tu peux fermer les yeux ce matin? Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et parle à Dieu ce matin. Parle au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le dessus. Que tu sois débordé du Saint-Esprit. Sois débordé de sa puissance. Oh, que ta coupe Or ce matin, brosse les mains, calanchambo, ankelebro, célébé. Est-ce que tu peux lever les mains? Lève les mains et pars. Je ne vous entends pas. Oh, l'embrosse les mains. Oh, parle à Dieu ce matin. Ok, les ventes les vos. Oh, l'embrosse les bébés, que les chambres, c'est les mamans, maman. Et que les membres, c'est les mamans, la maman, la vente les mamans, canachambo. Et l'embrosse les bébés, que les chambres, t'es les mamans, la maman. Oh, remplis-nous ce matin, nous t'adorons, nous t'élévons. Oh, nous te louons ce matin, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous disons que tu as assis sur ton trône et personne n'est comparable à toi. Oh, l'embrosse les mamans, calamambrosse les mamans, la maman. Tu es incomparable, ta présence est incomparable, Seigneur. Ta puissance est incomparable, ton nom est incomparable, Seigneur. Oh, l'embrosse les bébés, que les chambres, t'es les mamans. Tu es merveilleux, tu es puissant, brosse les bébés. Tu es le Dieu des dieux, c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres, c'est toi qui pourvois. Oh, les bros, c'est les vacs, à la main, bros, c'est les bébés, que les chambres, t'es les mamans, la maman. Oh, Seigneur, que ta puissance nous remplisse ce matin. Oh, les bros, c'est les mamans, que les chambres, les bros, c'est les bébés. Oh, Seigneur, merci, merci, merci, merci, merci. Ma geste. Majesté, pour une minute, tu veux l'adorer ce matin. Pour une minute, majesté, tu veux lever les mains. Tu veux oublier tous ceux qui sont autour de toi. Tu veux fermer les yeux, focaliser sur ses bienfaits. Majesté, tu sens majesté ce matin. Lève les mains. Majesté, lève les mains. Lève les mains. Majesté, lève tes mains ce matin. Lève tes mains pour le Seigneur. C'est un signe de soumission. C'est un signe de soumission. Lève tes mains. Oh, tu es majesté. Tu es majesté. Tu es majesté. Tu es majesté. Tu es majesté, tu es majesté, majesté, majesté, majesté, majesté, majesté, majesté, il est majesté. Dans ta présence, il a la liberté. Dans ta présence, il y a la délivrance, Seigneur. Dans ta présence, toute puissance des ténèbres disparaît. Oh, les bros, c'est les bas. Oh, ta présence est incomparable, Seigneur. Ta présence est incomparable, Seigneur. Oh, les bros, c'est les bébés, que les chambres, c'est les mamans, la maman. Oh, Seigneur, merci ce matin. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Veuillez vous asseoir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Alléluia. Alléluia. Je suis content de vous voir ce matin. Et je pense que le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Ce matin, sans tarder, nous allons continuer avec notre sujet. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà acheté le livre? Qui a déjà acheté le livre? Trois personnes, quatre. Alléluia. Tu as besoin de ce livre. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ce livre. Yeah. Tu as besoin de livre. Amen. Les démons et comment les affronter. Les démons et comment les affronter. Alléluia. L'une des choses que les démons, bien Satan n'aime pas, c'est la lumière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Satan fleurit, ou bien les démons fleurissent dans les ténèbres. Alléluia. Lorsqu'ils sont cachés. Alléluia. Lorsque tu ne les vois pas, lorsque tu ne les connais pas, il fleurit. Il fait des dégâts dans ta vie. Alléluia. Comme si vous étiez là lorsque j'ai commencé ce sujet des démons, vous allez vous rappeler que j'ai dit que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié même. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, les démons n'aiment pas les ténèbres. Alléluia. N'aiment pas être voilés. Voilé ou bien dévoilé? Dévoilé. Être voilé. On les couvre. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église on dit, lorsque tu commences une relation, fais-nous savoir que tu as commencé une relation. Lorsque personne ne connaît, les démons sont contents. Et tu vas voir que tu as commencé à faire des choses avec la personne. Vous allez forniquer, vous cacher. Ne dis pas au pasteur. Ne dis à personne. Et vous vous cachez, vous faites des bêtises. Est-ce que vous comprenez? Les démons n'aiment pas. Donc c'est un démon qui dit non, ne dis pas au pasteur. Ne dis à personne. C'est les démons. Est-ce que vous comprenez? Et la semaine passée, j'ai dit qu'il y a... comment on dit? Entre l'influence du démon et puis l'influence du Saint-Esprit sont très très proches. Bien, je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est thin, en anglais on dit thin separation. J'explique. Tu peux être facilement influencé par le démon. Alléluia. Mais c'est difficile d'être influencé par le Saint-Esprit. Parce que nous vivons dans le naturel. Alléluia. Donc c'est très facile qu'un démon t'influence. Et tu ne le saches pas. Vous comprenez ce que je dis, non? Très facile. Alléluia. Très facile. Et parce qu'on ne les connaît pas, on leur donne un nom. Quel nom? Intelligent, bien quoi? Un nom professionnel. Lorsqu'on mentionne le nom, oh, tu ne vas pas parler. Il faut identifier le nom des démons pour pouvoir les chasser. Parce que lorsque tu ne connais pas le nom, par exemple, si je dis viens ici. Toi, viens ici. Oh, mais tu ne viens pas. Ou bien, toi. Ou bien je crie plus fort. Il y a peut-être que tu n'entends pas bien. Toi, viens ici. Mais si je dis de la joie, viens. Ce n'est pas de la joie. Mais où est et toi? On ne le connaît pas. Ce n'est pas lui et toi. Peut-être que c'est lui que j'appelle, mais je n'ai pas identifié son nom. Mais du moment où j'ai identifié le nom, il se lève et puis vient. Est-ce que vous comprenez? Assieds-toi. Yeah. Donc, lorsque tu n'identifies pas le nom du diable, et tu dis, hé, hey, toi, sors, il ne va pas sortir. Le problème ne va pas partir. La situation va persister. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Lorsque tu n'identifies pas le démon ne va pas partir. Mais lorsque tu identifies, tu dis, sors. Yeah. Maintenant, tu l'as identifié, on le connaît. Alléluia. C'est pourquoi il ne veut pas que tu viennes à l'église. C'est pourquoi tu n'aimes pas lire la Bible. Parce que c'est la Bible qui dévoile. Tu n'aimes pas. 80% des chrétiens n'aiment pas lire la Bible lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Peut-être dimanche maintenant, on nous pour lire. Vous comprenez pourquoi tu n'aimes pas lire la Bible? Vous ne comprenez pas. Répondez, vous comprenez pas. Il faut répondre. Si, lorsque tu ne réponds pas, c'est le diable qui te dit ne réponds pas. Yeah. Pasteur, ok. Il y a une, je te dis, c'est facilement que le démon t'influence. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi on n'aime pas. La Bible, c'est l'une des dernières choses qu'on pense bien quoi. C'est un mot français. Hein? À laquelle on fait quoi? Yeah. La Bible, la parole de Dieu. Yeah. Et il y a certains même, le diable te dit que la Bible, c'est pas vrai. C'est écrit par des hommes, c'est pas Dieu. Ça, c'est une forme plus élevée de l'influence du démon. Hein? Beaucoup de personnes, beaucoup, toute une nation, bien toute une communauté, groupe de personnes, pensent que la Bible, c'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Et critiquent la Bible. Ça, c'est l'influence la plus élevée du diable. Hein? Et tu vas voir que tu as une mentalité, tu ne crois pas la Bible. On vient te parler, et puis l'une plus élevée, pas que Jésus, non, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Yeah. Yeah. Vous comprenez ce matin? Vous êtes là? Vous êtes là avec moi? Yeah. Tu as besoin de ce livre. Tu as besoin de ce livre. Alléluia. Yeah. Oh, Matthieu chapitre 16. L'activité démoniaque cohabite avec les chrétiens adorateurs. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Matthieu 16, verset 16. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les démons cohabitent avec les chrétiens. Yeah. Avec les chrétiens. Avec les chrétiens. Avec les chrétiens. Yeah. Donc, on voit ça. Donc, ne sois pas surpris. Lorsque tu vois un comportement... un comportement bizarre d'un chrétien, de ton ami chrétien, ne sois pas étonné. Prie pour toi-même. Mais ne critique pas. Parce que critiquer même, c'est un démon. Yeah. Il faut prier pour toi. Dans la langue ici, là, il y a un proverbe, on dit que lorsque tu vois la barbe de ton voisin brûler en incendie, lorsque tu vois la barbe de ton voisin au feu, hein, tu dois puiser de l'eau, mettre de côté. Yeah. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça veut dire que ta barbe aussi peut avoir. Donc tu puisses de l'eau mettre de côté lorsque commence là, tu essaies d'éteindre. Donc lorsque tu vois quelqu'un dans un péché, faut pas critiquer. Puise de l'eau. Commence à prier pour toi-même. Et ça, puiser de l'eau. Commence à prier pour toi-même. Alléluia. Vous êtes là. Matthieu 16, verset 16. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. Yeah. Jésus a demandé aux apôtres, « Qui suis-je? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je suis qui? » Alléluia. Et ils ont dit, « Oh non, tu es Abraham, le fils d'Abraham, tu es le fils de Dieu. » Non, les gens disent, ils ont répondu, « Les gens disent que tu es Abraham, le fils de Dieu. » Et puis il a demandé, « Et vous, qu'en pensez-vous de moi? » Et Pierre a dit, « Tu es le fils. » Hein? Est-ce que vous comprenez? Tu es le fils. Hein? Tu es le fils. Tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu même qui t'a révélé. Il a été influencé par le Saint-Esprit. Et il a reconnu la nature réelle de Jésus. Il a dit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Alléluia. Mais dans le même chapitre, lorsqu'on va verset 22. Verset 22. Hein? Verset 22. Pierre ayant pris la parole, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, en disant quoi? À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas, n'arrivera pas. Alléluia. Ici, Jésus est en train de lui parler que, oh, je vais aller à Jérusalem, et puis, je serai arrêté, on va me châtier, je vais mourir, je vais aller sur la croix, et puis mourir. Et Jésus l'a pris de côté, l'a réprimandé, a dit non, ça c'est pas possible, on va pas le permettre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Waouh! Influence du Saint-Esprit, influence des démons. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelques minutes, il disait que, ah non, c'est Dieu qui t'a révélé. C'est Dieu qui t'a influencé. Et après quelques minutes, verset 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maintenant, il est Satan. Et c'est ce qu'on voit à l'église. On vient dimanche, on loue le Seigneur, on est rempli du Saint-Esprit. On sort, et puis lundi, on commence à faire des bêtises. On est influencé. Alléluia. Amen. Yeah. Vous avez de beaux visages ce matin. Je suis content de vous voir. De belles filles. De beaux bonhommes. Hommes. Gentlemen. Lundi. Mardi. Il y a une influence. On commence à faire des bêtises. Parfois on ne comprend pas. Alléluia. Parfois on ne sait pas comment expliquer. Et les non-chrétiens vont nous critiquer. Il y a une influence. Démon. Alléluia. Amen. Et toi, ne laisse pas les bêtises d'un autre chrétien te faire rétrograder. Parce que les gens voient ça, disent que ne viens pas à l'église. Ah, mais cette église-là, de Lighthouse à Belém, un peu là, et le pasteur là, avec les chrétiens là, je les vois, ils sont ici, ils chantent, ils font des bêtises, et puis après, ils font des bêtises. Moi, je ne viens plus au... Est-ce que les gens font ça? Ah. Mais si vous ne connaissez pas, moi je connais. Je connais. Les gens même ont venu me dire que, au pasteur, moi je ne viens plus parce que j'ai vu ce gars-là en ville, à la maison. Ce qu'il fait là. Et regarde-lui sur le podium. Ah. Ah. Donc je suis en train de réfléchir un peu, faire des analyses. Si je vais revenir, c'est les démons. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. Yeah. Les démons cherchent à influencer les êtres humains par des pensées, des imaginations et des suggestions. Le pouvoir des suggestions. Alléluia. La porte, la plus grande porte, la plus sûre porte, la porte la plus utilisée par Satan, par les démons, c'est la porte de suggestion. La porte, par quoi, c'est suggestion, non? Et des imaginations, des pensées. C'est ce que le diable utilise pour entrer dans nos vies et nous influencer. Vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. La plus sûre qu'il a utilisée depuis le jardin d'Éden. Suggestion. Eve va manger, voir si ce que Dieu a dit, c'est vrai. Va manger. A suggéré. Et Eve a fait quoi? Elle a aussi suggéré au mari, aussi toi aussi, goûte un peu, on va voir, goûte un peu. Goûte un peu, c'est doux, goûte un peu. Le fruit là, que Dieu nous a interdit de prendre. Goûte un peu, suggestion. Suggestion. Le pouvoir de suggestion. Le pouvoir. La puissance, c'est la puissance ou bien le pouvoir? Les deux. Yeah. Parce que c'est fort. Cette puissance est forte. Alléluia. C'est une forte puissance. Un fort pouvoir d'influencer les chrétiens. Pas suggérer, te suggère. Te suggère. Oh, tu vas à l'église là. Ah, oh, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu ce que les gens ont dit. Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé. Tu n'as pas entendu le genre d'église là. Tu n'as pas. Déjà cette pensée, déjà c'est fini. Lorsque tu commences à méditer à cette pensée, c'est fini. C'est fini, tu ne vas pas venir ici. Pouvoir. Pouvoir. Pouvoir. C'est quoi? C'est pourquoi on dit que les amis vous influencent beaucoup. C'est pourquoi il faut choisir, bien choisir qui t'influence positivement. Les amis. Parce que c'est les amis qui tu vas écouter, non? Ah, j'ai entendu parler. Oh, tu vois Golda. Tu connais Golda, on l'appelle Golden. Et le pasteur l'appelle Golda. Le nom, la Golda. Ok. C'est fini. C'est fini. La manière de parler, la pensée, une imagination. C'est fini. Alléluia. 2 Corinthiens. Vous croyez que c'est le pasteur qui dit? C'est dans la parole. 2 Corinthiens. C'est pas moi. 2 Corinthiens, chapitre 10. Vous connaissez ce verset-là. 2 Corinthiens. Wow. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Je vois les démons quitter. On les dévoile. C'est pas toi, mais c'est le démon qui est en train de faire. Ce matin. Et vous voyez, les démons n'aiment pas la présence de Dieu. Les démons n'aiment pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et tu vas voir que certains, vous allez sentir la chaleur. Vous allez vous sentir très mal. C'est le démon. Yeah. Tu vas te sentir. C'est pourquoi les gens disent que oh, je me retrouve dans la parole de Dieu. Parce que le message là, c'est comme tu me parlais. Yeah, c'est le démon. Puis, cette partie, il y a une partie positive. Tu dis que, oh non. Ah Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Mais à l'autre partie, il dit oh non. Pourquoi le pasteur dit ça? Pourquoi le pasteur dit ça? Ah non. Pourquoi le pasteur dit là? Non. Ça, c'est le démon. Il y a une douce, une voix très petite qui n'est pas trop forte, qui dit, je veux m'en sortir. Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, je ne veux plus continuer. C'est le Saint-Esprit. Mais cette voix forte, non, pas ça. Non, ne dis pas ça. Non. Tu te sens très mal. C'est le démon. Les démons. Et parfois, lorsque c'est très fort, tu vas voir que la personne commence à critiquer ce que je dis. Dit que ce n'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un se retrouve un peu ici là? Hein? Est-ce que quelqu'un se retrouve un peu ici? Yeah. Yeah. Alléluia. Ce matin, ils sont en train de partir. De ta vie. Au nom de Jésus. Yeah. Yeah. C'est pourquoi je dis que les démons influencent les chrétiens. 2 Corinthiens, chapitre 10. On va lire un peu. Verset 4. verset 3. Ok? De Corinthiens. Si nous marchons dans la chair, ça c'est verset 3, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons sont des, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Qui peut me donner l'explication de forteresse? Forteresse, c'est quoi? C'est quoi? Forteresse, c'est quoi? C'est quoi? Une grande barrière. Est-ce que vous êtes d'accord? Forteresse. Oh, francophone. De Gaulle, c'est quoi? J'ai pas entendu. Forteresse dans ce monde. Donne-lui un micro. Forteresse, c'est quoi? Forteresse, c'est quoi? Les forteresses, c'est comme une ensemble, ou bien une couche, ou bien une zone, qui forme un blocage de la pensée de l'homme, de la conscience de l'homme, en fait. Ok. Ok, acclamons pour lui. Tu veux dire? C'est quoi? Les situations compliquées par lesquelles nous traversons. Nous traversons. Ok. Forteresse. Non, pas de l'explication spirituelle. Forteresse. Lorsqu'on parle de forteresse, c'est quoi? Une forteresse, ça peut être un château. Un château. Qui est bien protégé par de hautes murailles, qui est imprenable. Protégé par de hautes murailles, c'est ça. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Forteresse, c'est très fort. C'est mur ou bien quelque chose qu'on a construit contre les attaques extérieures. Est-ce que vous comprenez? Mais verset 5 nous explique un peu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yeah. Yeah. Donc maintenant, c'est pas le château. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le château, bien les murs, tout là. Mais maintenant, c'est un raisonnement. Une imagination, une pensée qui s'élève contre la parole de Dieu. Donc maintenant, tu es coincé dans cette ligne de pensée, dans cette manière de penser, dans cette imagination. Est-ce que vous comprenez? Imagination, c'est la puissance du diable. Ça te prend et tu vois que tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à sortir de ce château. Vous comprenez ce que je dis? Ah, dit que, oh moi, je suis pauvre. Oh, je ne peux. Je sais que dans ma famille, là, c'est fini. Nous sommes des pauvres quoi. Les pauvres. Nous sommes des pauvres. Donc cette pensée, tu dis que tu es pauvre. Même si on t'amène, tu dis que tu es pauvre. C'est fini. Il est coincé. Qui est contre la parole de Dieu. Là, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu a dit? Non. La puissance de l'imagination. La puissance. Et le diable amène ça. Suggère. Et puis c'est fini. Yeah. Wow. Vous êtes là. Yeah. Yeah. Donc beaucoup d'entre nous, on ouvre la porte au diable par ce qui nous suggère. C'est ce qu'on appelle par exemple tentation. Tentation. Suggère. Suggérer. Tu es bloqué. C'est le T-E-L. Bloqué, lié. Yeah. Par ces choses. Tu es tenté. Tu es enduit. On t'enduit. Par ces suggestions, tu es enduit. Tu es conduit. Alléluia. Tu es conduit à faire certaines choses. Tu ne comprends même pas. Et puis, c'est la pensée. Et puis, tu es lié par ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes ici? Bien, c'est trop fort. Donc, il y a trois catégories de ces suggestions. Les suggestions, il y a la suggestion de céder au désir charnel. Yeah. De céder au désir charnel, suggestion. Manger alors que nous sommes en train de jeûner. dormir alors que tu dois venir à l'église. Yeah, suggestion. Tu ne vois pas que tu es fatigué ce matin. Oh, Dieu même, il comprend que tu es fatigué. Dors un peu, le pasteur va comprendre, ne viens pas à l'église. Suggestion du diable. Hein? Est-ce que vous avez eu ça pour beaucoup? Vous avez eu ça, non? Plusieurs fois. Suggestion. Ah, suggestion. Suggestion. Yeah? Light off. Oh, parce qu'il y a light off. Il y a light off. Ne viens pas. Ne prie pas. Ne lis pas la Bible. Tu es fatigué. Tu ne comprends pas. La Bible est trop forte. Tu ne comprends pas. C'est trop compliqué. Yeah. Alléluia. Suggestion. Amen. Yeah. De céder au désir charnel. Charnel. Et ça s'est passé avec Jésus. Dans Luc chapitre 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne ces pierres qu'elles deviennent du pain. Je dis, jeûnez. Il jeûnait 40 jours, 40 nuits. Et je dis, avec faim. Et le diable, suggestion. Tu es le fils de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Pourquoi? Il faut tourner. Il faut changer ces pierres-là qui deviennent du pain pour toi. Mange un peu. Tu as faim. Tu es faible. Tu as fait 40 jours. Tu n'as pas mangé. Un peu. Hein? Ou bien? Il y a suggestion. Suggestion. Suggestion. Tout le monde est en train d'aller boire de nuit. Ils se réjouissent boire de nuit. Pourquoi ne pas te réjouir un peu? Bois un peu du vin, de l'alcool. Ça ne fait rien. Même l'apôtre Paul a suggéré à certaines personnes. Il y avait un mot de vente. Il a suggéré ça. Donc, bois un peu. Bois un peu. Imagination. Imagination. Alléluia. Touche un peu. Le sein, là, tu peux toucher un peu. La cuisse, c'est bon. Est-ce que c'est pas bon? C'est pas bon. Yeah. Touche un peu. Essaie un peu. Sexe un peu. Est-ce que c'est pas bon? Le verbe sexy. Forgive. Forgive. Forgive. Et par là, et tu vas voir que tu as la porte est ouverte. Yeah. Parce que dans Apocalypse, la Bible dit que par la fornication, les démons sont entrés. Démons, milliers de démons ont entré. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Deuxième suggestion, d'adorer et de servir autre chose que Dieu. Yeah. Autre chose que Dieu. On adore le visage. On adore les cheveux. On adore l'argent. On fait tout et tout pour acheter le téléphone. Alors qu'on ne veut pas donner à Dieu. On ne donne pas l'offrande. Et l'influence des démons t'amène même à critiquer. Le pasteur là, il veut prendre mon argent. Regarde ses paires de chaussures, très chères. Regarde ses vestes. Et mon petit Ngana là, il veut prendre. Yeah. C'est les démons qui font ça. Yeah. Alléluia. Vous êtes là? Yeah. Yeah. Yeah. Wow. Ah. Wow. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Vous comprenez pourquoi? Yeah. Les gens utilisent beaucoup d'argent pour supporter la politique. D'autres choses, mais pas pour Dieu. Pas pour les œuvres de Dieu. Pas pour l'œuvre de Dieu. Pas pour sauver les âmes. Pas pour aider l'Église. Pas pour aider l'Église. Alléluia. Pas pour aider. Pas pour aider. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Qui fait ça? On adore autre chose. On aime autre chose. Hein? Et Satan a fait la même chose. Dans les 40 jours, 40 nuits, il a fait la même chose. C'est ça, non? Yeah. Il a dit quoi? Verset 6. Je te donnerai toute puissance et la gloire de ces royaumes. Verset 6, Luc 4, chapitre 4. Car elle m'a été donnée et je te la donne. à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. La puissance, l'argent, tout ce qui est dans ce monde, à part servir Dieu, à part donner à Dieu. Et la troisième suggestion, suggestion d'utiliser les talents que Dieu t'a donnés pour autre chose, au lieu de Dieu. Suggestion. Beaucoup de personnes ont des talents. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup. C'est pourquoi j'apprécie ces gars-là qui se sacrifient pour donner un peu leur talent à Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas chanter, mais ils veulent essayer. Les gens ne savent même pas danser. Lorsqu'ils viennent danser, on se moque d'eux parce qu'ils ratent les pas. Mais ils veulent essayer quand même. Mais toi, tu es assis, tu sais comment danser. Tu sais bouger. Tu danses pour Satan. Autrefois, tu danses. C'est pas maintenant. Autrefois. Avant Jésus. Avant Jésus. On te voyait danser. Suer. Danser. Pour Satan quelque part. Les talents. Les talents. Suggestion. Alléluia. Zella. Satan a dit à Dieu quoi? Verset 9. Luc chapitre 4. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Jésus a refusé cette suggestion. Il a la puissance de le faire. Il a le talent. Il a toute puissance. Mais il a dit non. Pas faire. C'est la suggestion du Satan. On a les talents. On est beau. On est belle. On utilise ça plutôt pour autre chose. Au lieu de donner ça à Dieu. Wow. Vous êtes là. Il y a beaucoup de choses à dire. Parfois le temps ne nous permet pas. Parfois le temps ne nous permet pas. Horrible. Alléluia. Il y a une femme, la femme d'un pasteur. C'est une vision qu'un pasteur a eue. Jésus est venu et lui a montré cette vision. Alléluia. C'est dans le livre. Tu peux lire ça. C'est la femme d'un pasteur. La femme d'un pasteur. Et un autre pasteur, Jésus a donné la vision pour voir. Alléluia. Elle était très belle. Elle avait le talent de chanter. Elle chantait très bien. Une belle voix. Et donc Jésus a montré à ce autre pasteur dans la vision, la femme, que la première fois, elle chantait dans l'église, supportait son mari. Son mari était pasteur, supportait le mari, chantait. Et puis un jour, Satan est venu suggérer. Il dit: ah, mais tu es belle. L'église là te dérobe. Tu peux chanter dans le monde et être fameuse, avoir beaucoup de l'argent avec ta beauté et ton talent. Tout d'un coup, elle a reconnu que c'est Satan. Et puis là, chasser cette pensée, cette suggestion, bien cette imagination. Satan est très, les démons sont persistants. Donc il est revenu encore plusieurs fois. Et la femme a chassé cette imagination. Alléluia. Et puis, il est revenu encore. Et un jour, et Jésus a révélé au pasteur, elle a vu, le jour-là, elle a vu, c'est un singe qui s'est posé sur l'épaule et parlait dans l'oreille de la femme. Est-ce qu'il y a un singe qui est sur ton épaule te parle ce matin? Suggestion? Peut-être que c'est pas un singe, peut-être que c'est un oiseau. Peut-être pour toi c'est un oiseau bien un serpent dans le jardin d'Éden. Donc il a vu un singe. Le jour-là, il a vu le singe. parler dans l'oreille de la femme. La femme a commencé à dire, ah, mais c'est vrai, oh. C'est vrai ce que le gars me dit là. Je suis belle, je chante très bien, je peux changer dans le monde, chanter dans le monde, et puis faire un peu de l'argent. Fameux. L'église là, je change chaque jour là, on ne me paie pas. Et puis c'est fini. Et puis la Bible dit que, je dis la Bible, le pasteur a dit que Jésus a révélé le jour là. Cette pensée, cette imagination, c'est comme un point, une petite pièce, très ronde, noire, qui était dans sa pensée. Parce qu'il a, dans la vision, il a vu la femme transparente. Et il a vu le point noir, comme une pièce de 10 pesos ou bien 20 pesos, dans la pensée de la femme. C'est l'imagination. Et tout d'un coup, c'est fini, la femme est partie. Laisser son mari dans le monde, commencer à chanter, commencer à passer des temps avec les hommes, tout ça là. Et à un moment donné, je ne veux pas lire tout, vous pouvez lire tout, à un moment donné, le point noir est descendu jusque dans son cœur et dans son esprit, puis c'est fini. Et Jésus a dit au pasteur que le jour là, Satan, maintenant, elle est possédée. C'est fini. Elle est partie. Donc, il disait que c'est la manière, une imagination, une idée. Les gens vous suggèrent chaque fois dans vos hôtels, dans vos hostels, dans la maison, vous disent des choses et vous commencez à retrograder. Vous ne voulez pas venir à l'église. Vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est pas bon de servir Dieu. Est-ce que c'est pas bon? Donc, pourquoi tu veux partir? Tu veux partir aller où? Hein? Les gens vous disent des choses, des choses qui ne sont pas même pas vraies. Concernant l'église, concernant la chrétienté. C'est pas vrai. Alléluia. Et vous prenez ça et puis c'est fini. Même si c'est vrai. C'est toi, c'est entre toi et Dieu. La Bible dit qu'on va se comparer devant le tribunal. Tribunal, un jour. Et on va faire un compte. Chacun va faire un compte. Tu vas faire un rapport de ta vie. Ce que tu as fait avec ta vie. C'est pas avec la personne qui t'a suggéré. Lui aussi, il est en train de... Il va aussi comparaître, il va apparaître devant le trône, le jugement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, il faut te dire que tu n'es pas loin d'être influencé par les démons. C'est à toi de reconnaître que ce que la pensée là qui vient, la suggestion là, c'est un démon. C'est l'ennemi. Il veut entrer dans ma vie. Yeah. Il veut entrer. Il veut entrer. Il veut entrer. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Suggestion. Et maintenant, on donne de bons noms à ces choses. Bon nom. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Wow. Il faut acheter le livre. Tu seras délivré. Yeah. Tu seras délivré. Donc, qu'est-ce qui nous aide à pouvoir surmonter ces imaginations et ces pensées, ces suggestions du diable? Quoi, c'est quoi? Je pense que j'ai déjà dit ça, la parole de Dieu et la présence de Dieu. La parole de Dieu, la présence de Dieu. La parole de Dieu. Jésus a utilisé la parole de Dieu pour surmonter les tentations de Satan. Yeah. Alléluia. Le diable n'aime pas la parole de Dieu. N'aime pas. Donc, chaque jour, tu as la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit, achète le message. Prends le message. Lis la parole de Dieu. Lis la parole. Médite. Dans 1 Philippiens chapitre 4, je pense. Philippiens chapitre 4. Là, verset 8. Philippiens. Chapitre 4, verset 8. Wow. Vous êtes là. Yeah. Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est quoi? Qui peut me lire ça? Philippiens chapitre 4, du reste. Pardon? Philippiens chapitre 4, verset 8. Donne le micro, s'il te plaît. Donne-lui le micro, j'attends. Philippiens chapitre 4, verset 8. Ok. Au reste, frère. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. La suggestion là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est digne de quoi? De louange. Quoi encore? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est aimable? Ce que la personne te dit, la pensée que tu as, l'imagination, est-ce que c'est honorable? L'imagination de toucher le sein là, est-ce que c'est honorable? Hein? Est-ce que c'est honorable? L'idée de forniquer, est-ce que c'est honorable? C'est honorable? De boire là, est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est digne de louange? Yeah. Parce qu'il dit que c'est ça qui doit être l'objet de vos pensées. L'objet de ta pensée. L'objet de ta pensée. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. Déjà, lorsque ça vient, on l'appelle test. Test de Philippiens chapitre 4, verset 8. Toute pensée doit passer le test de Philippiens 4, chapitre 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Toute imagination, toute pensée doit passer le test. Si ça ne passe pas le test, ça ne doit pas être l'objet de ta pensée. Yeah. C'est le test. Le test. Le test. Si ça ne passe pas le test, tu ne dois pas y penser. Ça ne doit pas être l'objet. Et ça, c'est l'une des choses pour pouvoir surmonter les suggestions du diable. Les tentations. Ce qu'on appelle tentation. Yeah. Si ça ne passe pas le test, c'est fini. Toi, tu ne dois pas faire l'objet de mes pensées. Wow. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. La semaine prochaine, on va parler de d'autres choses pour nous aider à surmonter les tentations de Satan et les suggestions, les imaginations qui nous prend, qui nous coince, et on est comme dans une prison. On n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à avancer. Il n'y a pas de succès dans nos vies. On est là. La parole de Dieu. La Bible dit que la parole dans Hébreux chapitre 4, la parole de Dieu est puissante, est efficace, puissant, tranchant, plus tranchant. C'est la parole de Dieu qui brise ces forteresses. C'est la parole de Dieu qui annule ces choses. Yeah. Tu vas voir que tu viens à l'église ce matin. Avant de venir, tu as un plan d'aller faire une bêtise. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. Yeah. Tu viens, prêche la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, ok. Merci Seigneur, tu m'as délivré, je ne fais plus. Tu vas à la maison et tu ne fais plus. Yeah. La parole de Dieu. Donc, tout le monde ici doit avoir le téléphone. Tu as un écouteur. Tu as un message que tu écoutes de temps en temps. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Tu as ça chaque fois avec toi. C'est pourquoi ici, Lighthouse, parce que tous les leaders, on doit écouter. C'est obligé. Sinon, on ne peut pas être de bons leaders. Donc, on demande aussi aux membres pour t'aider. Pour t'aider. Dimanche soir, ce n'est pas suffisant. Parce que l'ennemi est persistant. La femme là, elle est venue plusieurs fois. Mais un jour, elle s'est laissée. Là, elle s'est laissée. C'est pourquoi lorsque un homme vient te faire une proposition, Chavi va. Tu vois que ce n'est pas un chrétien. Toi-même, tu n'es même pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu dis non. Il va revenir. Les femmes, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il va revenir encore. Revenir encore. Revenir encore. À force de persister. Ça dit le gars là me fait. Ok. Yeah. C'est pourquoi tu dois. Tout le monde doit voir cette puissance de dire non. Lorsque tu ne t'accordes pas avec le Satan, tu ne t'accordes pas avec le démon, il va partir. Je vous ai dit ça la semaine passée. On s'accorde. Tout le monde ici, on s'accorde chaque fois avec les démons. Yeah, on s'accorde avec lui. On va avec lui. C'est pourquoi on est contrôlé. On est influencé chaque fois par les démons. Wow. Décembre arrive. Et les démons se préparent. Parce qu'ils savent qu'un temps de détente pour les chrétiens. C'est le temps là, les chrétiens leur laissent leur âme. Tout. On se laisse comme ça. Parce qu'on veut se réjouir. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Tu veux utiliser ça pour faire des bêtises? Beaucoup de chrétiens tombent dans des tentations, dans des péchés, dans des bêtises. J'en viens, on ne retrouve plus à l'église. Ils sont partis. Ils sont partis. Alléluia. Mais ce décembre, toi, tu es délivré. On dévoie Satan. On dévoie Satan. Et de vous dire, jeune fille, jeune garçon, si tu n'es pas prêt pour le mariage, ne commence pas une relation. C'est une suggestion de Satan. C'est une suggestion de Satan. Lorsque tu commences à ouvrir une porte, tu vas avoir fornication. Démon va entrer. C'est fini. La semaine prochaine, on va essayer d'analyser un peu les équipes de démons. Équipe de démons. Hein? Il marche toujours en groupe. C'est pas un seul démon. Par exemple, démon de vol. Démon de vol. De mensonge. Hein? De quoi? De meurtre. De quoi? D'hypocrisie. Yeah. Démon. Yeah. Démon. Démon de sexe. C'est quoi? Beaucoup même. Beaucoup. Masturbation. Quoi encore? L'alcool. Alcoolisme. Yeah. Homosexualité. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait par les organes sexuels. Maintenant, avec nos organes. Avec nos organes, on n'est pas satisfait. Démon d'insatisfaction. Yeah? Démon d'avortement. Yeah. Démon d'adultère. De quoi? Tu es en train d'apprendre à être adultère. Tu es adultère, on est adultère. Vous ne répondez pas. C'est comme vous ne comprenez pas ce que je dis. Il ne faut pas être hypocrite ici. Il ne faut pas être hypocrite à l'église. Lorsque le pasteur demande, répond. Pour que le démon sort. Ah! On dit alléluia, tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que c'est un démon. Alléluia, c'est louer Dieu. Tu fermes la bouche comme tu n'as pas de bouche. Levez-vous, on va partir. Acclamons Satan, acclamons. Acclamons. Satan est dévoilé aujourd'hui. Dévoilé, acclamant pour Dieu, pour un cri de joie. Yeah. Yeah. Yeah. Il faut aller dans ta Bible, seulement dans toute la Bible, pousser des cris de joie pour Dieu. Mais lorsque tu prends psaume, pousser des cris de joie, danser pour Dieu, chanter pour Dieu. Les gens viennent à l'église comme ça. Sont liés par Satan pour ne pas louer Dieu. Tu fermes la bouche, c'est comme cadenas ici. Même amen, tu ne veux pas dire. Hey! Aujourd'hui, Satan est dévoilé. Vous êtes qui de joie. Vous êtes qui de joie. De victoire. De victoire. De victoire. De victoire. De victoire. Aujourd'hui, on a un démon de diplomatie. Vous êtes un cri de joie. Démon de diplomatie. Aujourd'hui, c'est dévoilé. Danser pour Dieu, on ne veut pas danser. Est-ce que vous n'avez pas vu David? David a jeté. Il a commencé à danser pour Dieu. Il a commencé à danser pour Dieu. On vient à l'église et puis on est comme ça. C'est un démon. Aujourd'hui, c'est dévoilé. Si tu ne sais pas que c'est Satan, aujourd'hui, je te dis que c'est Satan. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Parfois, on dit fermer les yeux ne veut pas. Lève la main, les gens ne veulent pas. Quels sont des démons? Démons ne veulent pas. Tu peux voir un peu que c'est démon. Tu seras délivré. C'est pourquoi la vie, ta vie dure à la vie, c'est comme la vie. Si tu peux voir un peu que c'est, il y a une influence démoniaque, tu vas lever les mains, louer le Seigneur. Louer le Seigneur. La Bible que le Seigneur habite la louange de son peuple. La louange. Tu commences à chanter. Le démon part. Parfois les gens sont déprimés avant d'entrer ici. Ils commencent à louer le Seigneur et ils sont contents. Le démon de dépression part. Vous ne comprenez pas. Est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez ce que Satan veut faire avec toi? Il ne t'aime pas. Il veut te détruire. Dans Jean 10, chapitre 10, verset 10. Il est venu pour nous détruire, pour nous dérober. Il a volé ta joie. Il a volé ta liberté. Pas des petites choses. Dis plus, on est comme ça. Il ne veut pas, même pas bouger. Lève les mains et loue le Seigneur ce matin. Dis quelque chose à Dieu. Remercie-le. Tout le monde doit acheter ce message. Va l'écouter à la maison. Satan va partir. Les démons vont quitter. Au nom de Jésus. Oh, dis merci. Seigneur, merci ce matin. Merci. Nous te louons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, je brise les forteresses. Je brise par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus. Je libère. Je chasse par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus. Je chasse, je brise toute forteresse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Donne la liberté ce matin. Donne la joie ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh, Seigneur, merci. Pour la liberté. Satan est dévoilé. Ces démons sont dévoilés. Les puissants démoniaques sont dévoilés. Oh, Seigneur, nous sommes en liberté ce matin. Nous sommes libérés. Au nom de Jésus. Et Seigneur, nous promettons. On ne va pas arrêter d'écouter la parole. Parce que Satan n'aime pas la parole. Est-ce que tu peux promettre Dieu ce matin que tu vas écouter, tu vas lire encore chaque jour, tu vas écouter les messages de la parole de Dieu, les messages, parce que Satan persiste, les démons persistent, mais toi aussi tu vas persister. Oh, dans tes efforts, dans tes désirs de servir Dieu, tu vas persister. De venir encore chaque dimanche pour écouter. Tu vas écouter encore parce que Satan va revenir, les démons vont revenir, mais moi aussi je veux revenir, je veux écouter encore. Dieu va m'aider. Jésus va m'aider. L'Esprit, le Saint-Esprit va m'aider. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Dis merci et acclame le Seigneur ce matin. Vous inquiétez de joie. Alléluia. Avant de s'asseoir, je vais prier pour toi. Fermez les yeux sur le monde. Fermez les yeux. Et baissez la tête ce matin. Tu es ici, mais tu ne connais pas le Seigneur. Être content invité. C'est ta première fois. Mais tu as été touché. Tu réalises que non, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du salut. Tu veux recommencer. Commencer avec Dieu. Tu veux avoir une relation personnelle avec lui. La Bible dit qu'à moins si on est né de nouveau, on ne verra pas le royaume des cieux. Le salut, Jésus est venu pour nous sauver, pas pour nous détruire. pas pour nous embêter, mais il veut nous sauver, il veut nous délivrer. Dans ce monde rempli de démons, le Seigneur veut nous sauver. Et ce matin, tu es là, tu reconnais, tu veux dire, passe pour moi, prie avec moi. Je veux me libérer, je veux être sauvé. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Lève la main. Ne laisse pas Satan te dire non, ne lève pas la main. Ne laisse pas Satan te tromper. La tromperie, les images, les mauvaises disées. Ne laisse pas ce matin, lève la main. Lève la main et il aura honte. Ne sois pas d'accord avec Satan ce matin. Dis Satan, c'est fini avec entre moi et toi. Aujourd'hui, je lève la main. Aujourd'hui, je vais aller. Aujourd'hui, je vais donner ma vie à Dieu. Lève la main. Je vois les mains. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci. Je vois. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? On va prier. Viens devant, on va prier. Je vois tous. Viens mon frère, viens. N'aie pas honte. C'est un démon d'avoir honte. C'est un démon qui fait ça. Mon frère, viens. Oh, il y a les gens qui sont derrière là. Venez, pas de problème. Tu as quitté ta chaise pour venir pour dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Yeah. Parce que chaque fois, lorsqu'on commence à faire l'appel du salut, c'est le moment où la voix de Satan sort. La voix de Satan sort. Mon ami va me voir que j'ai levé la main. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui dit, oh non, attends, demain, la semaine prochaine, oh, je vais réfléchir un peu. Oh, je vais voir un peu. C'est Satan qui fait ça. Au lieu de lever la main et puis être d'accord avec Dieu, Satan te parle et t'empêche d'avancer, t'empêche de grandir, t'empêche d'être sauvé, t'empêche d'être délivré. T'empêche. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir. Viens. C'est pas trop tard. Viens. Avant de prier, une minute. Viens. Viens. Viens. Tu veux venir. Viens. Viens. Viens. Viens. Fermez les yeux, on va prier. Et vous allez répéter après. On m'a dit, Seigneur. Dis, Seigneur, je te remercie. Ce matin, c'est fini entre moi et Satan. C'est fini entre moi et les démons. Ce matin, je te choisis. Je vais te servir. Je vais te donner ma vie. Je vais te donner toute ma vie. Je vais te servir. Je vais t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Oh Seigneur, je veux te sacrifier. Je veux te sacrifier toute ma vie. Seigneur, ce matin, je reconnais que tu as envoyé ton fils pour me sauver. Et je le prends comme mon sauveur. Je l'accepte comme mon sauveur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je vais te donner toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire oui à ta parole. Je vais dire non. Je vais dire non à la voix de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci. Amen.